jour la nous vine rencontrer. J'aimerais être prisonnier. Tout ça moi imaginer. C'est un jour la moi trouver. Malgré ça moi espérer. Pour nous faire la vie à des. Sans même en réaliser. L'amour nous déjà brisé. Pour moi paix ça retrouver. Passe à pays qui est trop tard. Moi ça que ça va. Que l'amour nous en péril. C'est pour ça faut moins pâtir. Ferme la porte, laisse en fabrique. Le soleil là que levé. Non, arrêtez là qu'à chercher. En que j'arrive bien loin. Non, fait que jamais retourne. Crier. Moi fait que ça oublie. Chanter. Moi qui toujours regretté. Nous qui retrouvons sincérité.